Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 10 août et nous souhaitons une bonne fête aux Laurents, ça vient du latin signifiant couronné de laurier. Fin, délicat, raffiné, les Laurents sont pourvus d'une certaine aristocratie naturelle. Paraître, montrer l'exemple, être admiré leur plaise. Ils ont de la volonté, sont disciplinés, ambitieux, autoritaires et pleins de vitalité, autant de cordes solaires à leur arc. Néanmoins, ils peuvent tomber facilement dans le culte de la personnalité. Dans ce cas, ils tendront à être orgueilleux, arrogants et égocentriques. Le plus souvent sociable, communicatif et généreux, les Laurents ont le geste large. Ils s'expriment facilement et savent se rendre sympathiques. Leur sensibilité est grande ainsi que leur intérêt pour autrui. Il faut éviter qu'ils soient enfants uniques car ils se prendraient vite pour le centre du monde. Il serait conseillé de les faire adhérer à des groupes dans lesquels ils pourraient acquérir un sentiment de solidarité. Par ailleurs, l'art et les langues sont des centres d'intérêt à encourager. Dicton du jour, froidure à la Saint-Laurent, froidure à la Saint-Vincent. Célébration internationale aujourd'hui en Équateur, c'est la fête de l'indépendance. Dans plusieurs villes espagnoles, c'est la fête de la Saint-Laurent. Et en Italie, en Sardaigne, c'est la fête patronale de la ville de Saint-Laurent en l'honneur de Saint-Laurent. Ça s'est passé un 10 août en 1500. Le portugais Diogo Diaz, détourné par une tempête, découvrait l'île de Madagascar. En 1793, c'était l'inauguration du musée du Louvre. 1809, l'Équateur obtenait son indépendance. 1927, c'était le début de la construction du Mont Rushmore, dédié au premier président américain. Et en 1960, l'Antarctique devenait territoire international et réserve scientifique. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec la chanteuse Patty Austin et le titre « Baby Come To Me ». Chance, you got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me, let me put my arms around you. This was meant to be, and I'm also glad I talking on the line, that's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know that love is standing by. Baby, gotta have your love around me, baby. Justin et le titre Baby Come To Me sur RJM. On fait maintenant un point sur tous ceux qui sont nés un 10 août et 1950. Naissance de Patty Austin, chanteuse américaine. 1952, naissance de Daniel Hugh Kelly, acteur américain vu dans la série Ryan's Hope dans le rôle de Frank Ryan, As the World Turns dans le rôle du colonel Winston Meyer, Cold Case, Affaires Classées, NCIS Los Angeles, Mentalist, Castle ou encore NCIS Enquête Spéciale. 1959, naissance de Rosanna Arquette, actrice américaine, vue dans Recherche Suzanne désespérément, Le Grand Bleu dans le rôle de Johanna, qui est d'ailleurs passée à la télévision hier soir, La Cité de la Peur, Pulp Fiction dans le rôle de Judy, Mon Voisin le Tueur, la série télé Grey's Anatomy, Malcolm, What About Brian dans le rôle de Nicole ou encore Les Experts Cyber. 1960, naissance d'Antonio Banderas, acteur espagnol, vue dans Femme au bord de la crise de nerfs dans le rôle de Carlos, Attache-moi dans le rôle de Ricky, Philadelphia, Entretien avec un vampire dans le rôle d'Armand, Desperado 1 et 2 dans le rôle d'El Mariachi, Le Masque de Zorro dans le rôle d'Alejandro Murrieta alias Zorro, et vu dans la suite, La Légende de Zorro, où il joue toujours le rôle de Zorro, mais cette fois se fait appeler Don Alejandro de la Vega, vu dans Spy Kids 1, 2 et 3 dans le rôle de Gregorio Cortez, Expendables 3 dans le rôle de Galgo, et il est la voix originale du personnage du chapeauté dans les différents Shrek. 1961, naissance de John Faris, musicien australien du groupe In Excess. 1972, naissance d'Angie Harmon, actrice américaine, vue dans la série Un privé à Malibu dans le rôle de Ryan McBride. New York Police Judiciaire et New York Unité Spéciale dans le rôle du substitut Abby Carmichael et dans la série Risonier and Isles dans le rôle de Jen Risoli. 1981, naissance de Catherine Booker, actrice américaine, vue dans les séries Urgence, Malcolm, Les Experts, Heroes ou encore Supernatural dans le rôle de Lilith. 1986, naissance d'Andrea Vlavakova, joueuse de tennis tchèque professionnelle depuis 2004, qui en double a été numéro 3 mondial en 2012, qui a gagné une fois Roland-Garros ainsi que l'US Open, deux fois finaliste à l'Open d'Australie, une fois finaliste à Wimbledon. Aux Jeux Olympiques, elle compte une médaille d'argent en double remportée en 2012 et deux Fed Cup en 2012 et 2014. 1989, naissance de Kevin Roland, skieur acrobatique français s'illustrant en halfpipe, médaillé de bronze lors de la première compétition olympique de halfpipe à ski, c'était à Sochi en 2014. Championnat du monde, il compte deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze. 1997, naissance de Kylie Jenner, mannequin personnalité de télé-réalité américaine, demi-sœur de Kim Kardashian. Et en 2013, décédée Heidi Gourmet, chanteuse américaine, dont on écoute une chanson en fin d'émission, mais là on va tout de suite écouter le groupe In Excess avec leur titre Need You Tonight. Oh! Christmas sweat. I'm lonely. Texas, Need You Tonight sur le 107FM, un peu plus de 8h42 minutes. On fait maintenant un point sur la météo. La météo. Et aujourd'hui, ça y est, nous ne sommes plus ni en vigilance canicule, ni en vigilance orage. On va avoir des températures agréables, on va enfin pouvoir respirer. On va passer la journée sous des éclaircies, des températures comprises entre 12 et 13 degrés ce matin. Donc oui, il y a une grande différence hein, par rapport aux 23 degrés d'il y a encore deux jours. Et les 23 degrés, justement, ce seront les températures maximales pour cet après-midi où elles seront comprises donc entre 21 et 23 degrés. Pour ce week-end, eh bien, ce sera pas mal, un week-end ensoleillé. Pour samedi, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 22 et 24 degrés l'après-midi. Et pour dimanche, des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 25 et 27 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler des championnats européens et des nouvelles médailles. Hier, pour l'équipe de France, a commencé en triathlon féminin avec la médaille de bronze de Cassandra Beaugrand. En 3000 mètres steeple, le sacre de Mayedine Mekissi, donc médaille d'or. Et c'est son cinquième titre européen. Et l'autre français, Johan Kowal, lui s'est classé quatrième. À noter également donc en perche, la cinquième place de Ninon Guillon Romarin. En 800 mètres, messieurs, Pierre-Ambroise Boss s'est qualifié. En 400 mètres, Ludwig Vaillant a terminé au pied du podium. En longueur, à noter l'abandon d'Héloïse Le Sueur et Monin, douleur aux ischio-jambiers. À noter également qu'au 400 mètres, dame Floria Gay s'est qualifiée pour la finale. En javelot, qualification également d'Alexis Alès. Et aujourd'hui, on pourra également retrouver un certain Renaud Lavillenie, hein, grande chance de médaille. Ça, c'était pour la partie athlétisme. Là, on va aller à Glasgow et on va aller dans l'eau avec la natation et nouvelle médaille pour Mehdi Metella qui a remporté la médaille d'argent sur le 100 mètres papillon. En 10 km au libre, Marc-Antoine Olivier termine à la 4e place. David Aubry, lui, termine 12e. Au 50 mètres papillon dame, Mélanie Hennick a terminé 5e. Et sur le 4x100 mètres 4 nages, l'équipe de France féminine a terminé 6e, mais a battu le record de France. On reste dans l'eau, mais cette fois, on va parler de voile avec les championnats du monde. Et les Français Péponnet et Millon ont été sacrés hier champions du monde de voile olympique dans la catégorie 470, dériveur double. Félicitations à nos Français. Allez, on continue l'actualité sportive et on va parler tennis avec le tournoi de Montréal. L'élimination hier d'Alizé Cornet en 2-7 face à Barty, 7-6, 6-4. Aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Simona Halep. Et à Toronto, à noter l'élimination de Djokovic en 3-7. La qualification de Dimitrov en 3-7. Alexander Zverev s'est qualifié en 2-7 et Rafael Nadal a battu Stan Wawrinka en 2-7. Aujourd'hui, Dimitrov se repose à Anderson, Alexander Zverev à Tsitsipas, Nadal à Cilic et Haase à Khachanov. Et on termine avec notre dernière page est consacrée au football avec tout d'abord la Ligue Europa. Bordeaux qui s'est imposé 3-1 hier face au club ukrainien de Mariupol. Bordeaux qui a pris une belle option pour les barrages. À noter que dimanche, le mondial féminin U20, la France affrontera les Pays-Bas. En Ligue 2, ce soir, Nancy reçoit Lens et samedi, Metz se déplacera à Clermont-Ferrand. C'est la reprise de la Ligue 1 ce week-end et on commence ce soir avec Marseille face à Toulouse. Samedi, il y aura Nantes-Monaco, Angers-Nîmes, Lille-Rennes, Montpellier-Dijon, Nice-Reims et Saint-Étienne-Guingamp. Et enfin dimanche, Lyon recevra Amiens, Bordeaux-Strasbourg et on terminera avec PSG-Caen. Et c'est la reprise également en National 2 pour le SAS Épinal qui jouera samedi avec la réception du club de Lusitanos Saint-Maur. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec la chanteuse Eddie Gourmet et son titre pardon, Culpame de la Bossa Nova. I was at a dance when he caught my eye, standing all alone, looking sad and shy. We began to dance, swaying to and fro, and soon I knew I'd never let him go. Blame it on the bossa nova with its magic spell. Blame it on the bossa nova that he did so well. Oh, it all began with just one little dance, but soon it ended up a big romance. Blame it on the bossa nova, the dance of love. Now was it the moon? No, no, the bossa nova. No, no. Now I'm glad to say I'm his bride to be, and we're gonna raise a family. And when our kids ask how it came about, I'm gonna say to them without a doubt, blame it on the bossa nova with its magic spell. Blame it on the bossa nova that he did so well. Oh, it all began with just one little dance, but soon it ended up a big romance. Blame it on the bossa nova, the dance of love. Now was it the moon? No, no, the bossa nova. No, no, the bossa nova. Was it the tune? Yeah, yeah, the bossa nova. Dance of love. Et voilà, c'était notre dernière pause musicale. Il est presque 8h50 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on va faire un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, il y aura un épisode de Ours et Carottes. 14h, rediffusion de J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic. 18h30, les sorties du week-end. 21h, ce sera soit Vincent, soit François. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.